En Corée, de nouveaux succès sont remportés dans la campagne de 200 jours. Plus de 230 personnes de la filature Kim Jong-suk de Pyongyang ont accompli le plan annuel et la saline de cuisson a produit plus de 100 tonnes de sel par hectare depuis le début de la production par l'ultrasomur stérène. Au chantier de construction de l'avenue Lyumyong, on a plâtré à plus de 80% l'intérieur et l'extérieur des immeubles d'habitation. Les membres des troupes de choc de la jeunesse des provinces du Pyongyang du Sud et du Fang et du Nord dépassent le plan journalier de la campagne. Dans la province du Zagang, dans le cadre de la campagne de nationalisation, un progrès important est marqué pour l'établissement des processus de production basés sur les matières premières et les ressources locales. Les hommes scientifiques et les techniciens de tout le pays enregistrent beaucoup de succès pour l'exploitation et l'utilisation de la chaleur solaire, de l'énergie éolienne et stérène et d'autres énergies naturelles.